The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Informed. Au courant. Castle. Le château. Region. La région. To faint. S'évanouir. Unbelievable. Incroyable. According to. D'après. To try. Essayer. Now, a bit faster. To try. Essayer. Informed. Au courant. To faint. S'évanouir. According to. D'après. To faint. S'évanouir. To try. Essayer. To faint. S'évanouir. To try. Essayer. Region. La région. To faint. S'évanouir. To try. Essayer. According to. D'après. To faint. S'évanouir. Now, use the words in context. Au courant. She's aware of what happened. Elle est au courant de ce qui s'est passé. La région. Provence is a region in the south of France. La Provence est une région du sud de la France. S'évanouir. I feel weak. I'm going to faint. Je me sens faible. Je vais m'évanouir. Incroyable. It's unbelievable what you're saying. C'est incroyable ce que tu dis. Essayer. I'm going to try to work hard. De travailler dur. La région. Provence is a region in the south of France. La Provence est une région du sud de la France. Essayer. I'm going to try to work hard. De travailler dur.